إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence donc le cours numéro 11 et inshallah ce sera le dernier cours puisque on est arrivé à la fin de cette risala, la risala du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab au sujet de Tawhid al-Ibadah avec l'explication du Cheikh Mohammed Bazmoul hafizahullah. Et on a terminé hier dans l'explication des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah que le Cheikh Bazmoul a cité dans son livre au sujet yani des mushrikines et de quelle manière ils manquent de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a mentionné quelques exemples à ce sujet-là du fait que les mushrikoun, les gens qui commettent le shirk aujourd'hui en se rapprochant des hommes pieux et des tombes, eh bien ils accusent souvent les gens qui appellent au tawhid d'avoir un manque de respect envers les hommes pieux. Et donc le cheikh explique en réalité que le fait de manquer de respect envers les hommes pieux, ça ne signifie pas que on refuse de les adorer. Le fait de manquer de respect envers les hommes pieux, c'est de leur faire du tort, leur faire du mal, de les offenser, de contredire le bien qu'ils ont ramené, de suivre autre que le Coran et la Sunna, comme par exemple, qu'est-ce que font les gens de Bid'a parfois, ou les gens de Shirk, auprès de la tombe de ces hommes-là. Alors que ces hommes-là n'ont jamais demandé aux gens de faire ce genre de choses auprès de leur tombe. Donc en venant faire toutes sortes d'innovations et de Bid'a et de formes de Shirk auprès de leur tombe, eh bien, ils ne montrent pas de respect envers eux en réalité. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, sans même le savoir ou parfois sans même le réaliser, c'est qu'ils sont en train de manquer de respect envers ces hommes pieux-là. Puis, qu'est-ce qu'ils font? C'est de contredire en réalité parfois l'enseignement de ces shuyukh ou de ces imams ou de ces hommes pieux qui interdisaient aux gens le shirk souvent et qui interdisaient aux gens les innovations. Donc, ça c'est un exemple. Puis aussi, le fait d'appeler les gens au tawhid, ce n'est pas un manque de respect envers les hommes pieux. Et ce n'est pas un manque de respect envers les awliya. Bien au contraire, c'est un respect justement pour eux, puisqu'on les remet à leur place et à leur juste niveau. Et on ne les élève pas au-dessus du niveau dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala les a mis. Et on ne leur donne pas aucune forme d'adoration, et on ne leur attribue pas aucune forme de divinité. Puisque l'adoration, c'est un droit exclusif à Allah seul. Et on n'a pas le droit de l'offrir à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il y a des gens aujourd'hui, ils accusent les gens qui appellent au tawhid d'être des wahhabis, comme ils les appellent des wahhabiyoun. Et ils appellent le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils disent que sa da'wa c'est une da'wa wahhabiyya. Et c'est quoi, quand on leur demande qu'est-ce que c'est al-wahhabiyya, souvent ils ne peuvent même pas répondre, et ils ne peuvent même pas expliquer qu'est-ce que c'est ou en quoi il y a une contradiction dans ses enseignements avec l'islam, puisque bien entendu il n'y a pas de contradiction entre ces enseignements et qu'est-ce qui est enseigné dans le Coran et dans la Sunna et dans les exemples des salafs salih. En réalité, c'est parce que ces gens-là qui malheureusement sont tombés dans l'ignorance et dans le shirk, hein, ils ont cru que ce qu'ils faisaient eux c'était ça l'islam. Puis ils ont critiqué le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab pour avoir interdit l'adoration des morts, pour avoir interdit l'adoration des tombes, pour avoir interdit l'adoration des saints, pour avoir interdit la pratique des innovations et des bid'ah qui ont été introduites dans la Ummah. Donc à cause de ça, étant donné que ça c'est venu en contradiction avec leur passion et leur désir, eh bien ils ont commencé à essayer de donner ce surnom aux gens qui appellent au tawhid et à la sunna, de les appeler des wahhabiyin ou des wahhabiyas, hein, alors qu'en réalité il n'y a rien dans les enseignements du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui est en contradiction avec le Coran et la sunna. Et si quelqu'un veut vérifier ça ou veut se convaincre de ça, eh bien la seule chose qu'il a à faire, c'est de prendre les écrits du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lui-même, comme Kitab al-Tawhid, ou Al-Usul al-Thalatha, ou bien Al-Qawaid al-Arba'a, ou bien Kashf al-Shubuhat, ou bien n'importe quel autre d'entre les livres du cheikh, et de lire qu'est-ce qui est dedans, et de comparer avec qu'est-ce que les salafs ont écrit, et de voir en comparaison avec ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et la majorité de ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit dans ses livres, c'est uniquement de rapporter des hadiths et des ayats et des paroles des ulama et des imams de l'islam. Il n'y a rien d'autre que ça dans ses livres. Donc, le fait de citer ou de mentionner ce nom, de dire Wahhabi pour faire peur aux gens, ou pour les éloigner, ou pour les écarter, ou de faire croire aux gens que c'est quelque chose qui est contraire à l'islam, ou que c'est une secte, ou des choses de ce genre, eh bien, bien entendu, c'est quelque chose qui est bien contraire à la réalité. Donc le cheikh, il dit, « فَإِنَّ الْمُشْرِكِ إِمَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يُدَبِّرُ أَمْرَ الْعَالَمِ مِنْ وَزِيرٍ أَوْ ظَهِيرٍ أَوْ عَوْنٍ وَهَذَا أَعْظَمُ التَّنْقِيسِ لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاته. Donc le cheikh, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya, il dit que le mushrik, il manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala et il rabaisse Allah subhanahu wa ta'ala de différentes façons. Et donc le cheikh, il va énumérer différents exemples qui représentent des formes de manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala dans les croyances et dans les pratiques des mushrikines. Donc il dit, premièrement, soit que le mushrik pense que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de quelqu'un pour contrôler le monde avec lui, ou bien qu'il a besoin d'un ministre ou d'un aide ou d'un support ou d'un allié ou d'un aide, hein? Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une des plus grandes formes de diminution ou de rabaissement ou de fait de manquer de respect envers celui qui est riche et qui se suffit à lui-même et qui n'a besoin de rien, et bien entendu tous ceux qui sont en dehors de lui ont besoin de lui et ne peuvent se passer de lui. Ils sont tous indigents de lui, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ô vous les hommes, vous êtes tous des indigents vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes tous pauvres, vous avez tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est al-ghani, le riche, celui qui se suffit à lui-même, al-hamid, le digne de louange. Donc ça c'est un exemple de manque de respect de la part des gens qui prennent des alliés ou des associés ou des intermédiaires entre eux et Allah. Ils pensent qu'Allah a besoin de quelqu'un pour contrôler le monde pour lui ou pour l'aider. Et ça, on retrouve ça dans la croyance de plusieurs d'entre les kuffar et les mushrikin. وَإِمَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّمَا تَتِمُّ قُدْرَتُهُ بِقُدْرَةِ الشَّرِيكِ. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres parmi les mushrikin. Ils s'imaginent que la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être complète, ne peut être complétée que par la puissance ou la force de son partenaire ou d'un allié, hein, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Donc ça, bien entendu, c'est aussi un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imma an yadhunna bi annahu la ya'lamu hatta ya'lamahu al-wasita. C'est-à-dire soit qu'ils s'imaginent que yani les choses qui l'être qu'ils prennent comme intermédiaire entre eux et Allah, ou bien plutôt que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas savoir quelque chose excepté si l'intermédiaire qu'ils ont pris entre eux et Allah a informé Allah de cette chose. Hein? Et également le cheikh il dit wa annahu la yarham hatta yaj'alahu al-wasitatu yarham, ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faire miséricorde à quelqu'un excepté après que l'intermédiaire ou l'intercesseur ait fait que Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à cette personne. Ou la yakfi abdahu wahdahu, ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala à lui seul ne suffit pas à son serviteur. Ou la yaf'alu ma yuridu al-'abd hatta yashfa'a 'indahu al-wasita. حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتكثره به من القلة وتعززه به من الذلة. Donc le cheikh il dit soit que il pense que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faire pour le serviteur ce qu'il demande excepté après que yani l'intercesseur est intercédé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela se passe lorsque une créature intercède auprès d'une autre créature, comme par exemple dans ce monde. Hein? Vous savez que dans ce monde, par exemple, si quelqu'un veut aller voir avoir quelque chose de la part d'un roi ou de la part d'un président ou de la part du chef d'une compagnie ou d'une entreprise, eh bien pour arriver à ça, Il a besoin de passer par quelqu'un qui va être un piston, ou bien qui va être, comme nous on dit, une connexion, hein, on dit au Canada, on dit une connexion, c'est-à-dire quelqu'un qui va lui faciliter le fait d'entrer en contact avec le responsable ou la personne qui est haut placée. Et ils font donc, les gens qui font le shirk aujourd'hui, ou qui adorent les tombes et les saints, et qui les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah, ils font ce genre d'analogie entre les êtres humains lorsqu'ils intercèdent les uns pour les autres et Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Donc en faisant ce genre d'analogie là, il n'y a pas de doute qu'il y a un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala et un rabaissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala il connaît chacun d'entre nous et il nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes, et donc il n'a pas besoin de quelqu'un pour nous présenter ou pour nous faire connaître à lui ou des choses de ce genre. Et il n'a pas de faveur ou de service, hein, ou personne d'autre a un droit sur lui. Donc quelqu'un ne peut pas venir imposer à Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder envers quelqu'un si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas le faire. Contrairement aux rois et aux présidents et aux hommes qui sont importants ou placés dans cette dunya. Hein, puisque parfois, yani, quelqu'un vient leur demander quelque chose, s'ils ne les connaissent pas, ils ne vont pas leur répondre. Hein, contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît tout le monde et qui connaît chacun d'entre nous. Hein, et en même temps aussi, si on réfléchit bien et si on regarde, yani, quand quelqu'un va voir un président ou un roi, il ne peut pas lui adresser directement la parole, il passe par quelqu'un qui le connaît. Et souvent, ces personnes-là qui connaissent le roi ou le président, eh bien, disons que le roi leur doit des faveurs parfois, parce qu'ils leur ont rendu des services. Et c'est bien entendu qu'un président et un roi, il a besoin de ses ministres, il a besoin de ses conseillers, il a besoin de ses aides. Hein? Tout seul, il ne pourra rien faire. Contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a besoin de personne, qui n'a besoin de rien. Et donc, il n'a pas de faveur envers quelqu'un, et quelqu'un n'a pas de droit sur lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, on ne peut pas faire ce genre d'analogie ou de comparaison entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa créature. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de quelqu'un pour augmenter sa puissance, ou son nombre, ou sa connaissance. Ensuite, le cheikh il dit, أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو حال ملوك الدنيا وهذا أصل شرك الخلق. Donc le cheikh il dit, ou bien il s'imagine que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas invoquer ou ne va pas exaucer l'invocation du serviteur jusqu'à ce qu'il ait demandé à l'intermédiaire pour que l'intermédiaire ramène sa demande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas parmi les rois de cette dunya, et c'est la base du shirk dans la création, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein, c'est ça la base et l'origine du shirk dans la création. أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط ذلك. Ou bien il s'imagine que يعني Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas entendre l'invocation de ceux qui invoquent à cause de la distance, parce qu'il est trop loin, il ne peut pas entendre. A'udhu billah. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala c'est As-Sami', il entend tout, hein, et peu importe la distance. Et donc il y en a aussi également, comme le cheikh il donne des exemples comme ça aussi, et il y en a qui s'imaginent parfois que par rapport à ces exemples-là, il y en a qui disent, bon, nous, on est des pécheurs, on a beaucoup de fautes, on a beaucoup de faiblesses, on a beaucoup de péchés et de manquements dans notre religion. Et donc, ils s'imaginent parfois que, étant donné qu'on est tellement faible, qu'on est tellement rempli de péchés, qu'on ne peut pas s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala directement, donc ils s'imaginent qu'on n'est pas assez pur ou assez propre, il faut passer par des êtres ou par des individus qui sont plus pieux que nous, et ils s'imaginent que de cette manière-là, donc, eux, ils vont adresser nos prières à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Et comme le cheikh, il le dit ici, c'est ça la base du shirk dans l'humanité. C'est ça l'origine du shirk dans l'humanité. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Hein? Donc, يعني, vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un d'autre que Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vais vous exaucer. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Donc ceux qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de mon adoration, ils vont entrer en enfer humiliés. Donc le dua, c'est une adoration, et on n'a pas le droit de l'offrir à autre qu'à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de l'invoquer directement et non pas de passer par quelqu'un pour aller à lui. أو يظن أن للمخلوق عليه حقا وهو فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ويتوصل إليه بذلك المخلوق كما يتوصل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته. Ou bien, qu'est-ce qu'ils font parfois? C'est qu'ils demandent, ils s'imaginent que les créatures peuvent avoir un droit sur Allah subhanahu wa ta'ala, ou une faveur, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala leur doit. Et donc, à cause de ça, ils comparent ça avec, l'exemple de ceux qui font le tawassul, ils demandent en se rapprochant des rois, et ou en utilisant l'autorité des rois et le droit qu'ils ont sur les grands, les hauts placés, les gens importants, les rois, les personnes importantes. Donc ils vont dire, je demande au nom de telle créature ou au nom de telle personne, hein? Donc ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de demander à Allah directement, sans intermédiaire, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou au nom d'un wali parmi les awliya. Hein? Et ça, c'est, comme on a expliqué, c'est une forme de bid'a. Hein? C'est quelque chose qui est contraire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et c'est contraire également à ce que faisaient, hein, les sahaba également. Donc, on sait que l'islam nous ordonne d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, et de ne pas prendre des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on a besoin de faire le tawassul, c'est-à-dire de chercher un moyen entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ce soit un moyen qui est légitime et qui est accepté par l'islam, c'est-à-dire d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, ou bien de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par des bonnes œuvres qu'on a fait nous-mêmes, hein, des actes de piété et des bonnes actions, ou bien de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de demander à une personne qui est pieuse, qu'on connaît, qui est vivante, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Si on a l'impression ou on pense qu'une personne a de la piété et est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande, hein, de faire un dua pour nous et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, alors qu'elle est vivante, cette personne. Dans ce cas-là, oui, c'est permis et c'est correct. Toutefois, de demander à une personne morte d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, ça c'est shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien de demander à une personne qui est absente, hein, et qui n'est pas à une distance qui peut nous entendre, hein, ça aussi ça rentre dans le shirk, comme certains le font en appelant leur shuyukh dans d'autres pays ou des choses de ce genre alors qu'ils sont loin et qu'ils ne sont pas capables d'entendre. Ou bien l'exemple que le cheikh mentionne ici, la bid'a de demander par le nom d'une personne ou par son statut, hein, ou par son degré élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, cet exemple-là rentre dans des choses qui sont en contradiction avec, hein, le tawhid. Et les ulama disent que c'est une forme de bid'a de demander par le nom du prophète ou par le nom d'un homme pieux ou bien par son statut ou son degré, et que c'est un moyen qui peut amener les gens à tomber dans le shirk. C'est quelque chose qui peut faire que les gens à la longue tombent dans le shirk. Et le cheikh il dit, وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله تعالى وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب قسمته ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه لكفى في شناعته. فالشرك ملزوم للتنقص الرب سبحانه وتعالى والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى، ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته أن لا يغفره وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه وإن زعم أنه يعظمه بذلك. Donc le cheikh il dit, et donc ça ce sont des exemples de tanaqqus, hein, le fait de rabaisser et d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala dans sa rububiyya, et c'est une forme de destruction de son droit, hein, et c'est comme si on essaie de diminuer et de lui retirer son droit, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala à la rububiyya et à l'adoration. Et donc yani, si on regarde par exemple pour comprendre la laideur qu'il y a dans le shirk, on voit que yani, c'est basé sur le fait que la personne qui le commet, elle a une défaillance ou un manque dans son amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans son espoir pour Allah subhanahu wa ta'ala et dans le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ou dans le fait de retourner repentant vers lui. Donc dans le cœur du mushrik, il y a une défaillance sur tous ces aspects-là. Et parfois même, yani, ça peut même arriver au point où ça élimine complètement de son cœur qu'est-ce qu'il doit y avoir comme iman et comme foi et comme tawhid et comme acte d'adoration parmi les celles qu'on vient de mentionner par exemple. Parce qu'il partage et il divise ces actes d'adoration-là entre Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres créatures. Donc ces adorations-là qu'il offre elles ne sont pas purement pour Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont divisées. Hein? Elles sont divisées et séparées parmi différentes et plusieurs créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça diminue de son adoration et de sa pureté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, sa crainte, elle n'est pas uniquement pour Allah. Et son respect n'est pas uniquement pour Allah. Et le fait de mettre sa confiance, il ne met pas sa confiance uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa crainte n'est pas uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il détourne une partie, ou la plus grande partie, ou une partie seulement, ou bien yani, toute son adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou à celui qu'il adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est suffisant pour comprendre, pour nous faire comprendre la laideur du shirk. C'est suffisant pour nous faire comprendre la laideur du shirk. Donc, le shaykh, il dit, donc, si on comprend ça, on comprend que c'est que le shirk, c'est quelque chose qui est directement relié avec le manque de respect envers Allah. Le shirk, c'est un manque de respect total et absolu envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quelque chose qui est obligatoire et qui est relié avec ce que fait le mushrik en adorant d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il le reconnaisse ou non, qu'il l'accepte ou non, il est en train de manquer de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il s'imagine qu'en faisant le shirk, il exalte Allah ou il montre du respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce péché-là ne soit pas pardonné. C'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce péché-là ne soit pas pardonné, parce que c'est ce qu'implique la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui revient tout entière. Et donc c'est pour ça qu'il a promis à celui qui commet le shirk l'enfer éternel, hein, comme on a mentionné les versets qui prouvent ça dans les chapitres précédents. Et il dit, c'est normal donc dans ce cas-là que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette personne qui a commis le shirk la plus malheureuse de toutes les créatures. Et donc tu ne trouveras pas un mushrik excepté qu'il a manqué de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il s'imagine être en train de lui montrer du respect et de le vénérer. كما انك لا تجد مبتدعا الا وهو متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم وان زعم انه معظم له بتلك البدعه فانه يزعم انها خير من السنه واولى بالصواب او يزعم انها هي السنه وان كان جاهلا مقلدا وان كان مستبصرا في بدعته فهو مشاق لله wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit de même que tu ne trouveras pas un innovateur, un mubtadi', excepté qu'il manque de respect envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même s'il s'imagine être en train d'exalter ou de manquer de respect, même s'il s'imagine être en train d'exalter ou de montrer du respect à la sunna et de montrer du respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant cette innovation-là, la réalité, c'est qu'il manque de respect envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en faisant cette innovation-là. Et il s'imagine même qu'elle est meilleure que la sunna. C'est-à-dire, il s'imagine que l'innovation qu'il est en train de faire est meilleure que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle mérite plus d'être correcte que la sunna elle-même. Et ça, c'est la réalité de tout mubtadi', de toute personne qui commet des innovations dans la religion. Et parfois, il va même jusqu'à s'imaginer ou à croire que ce qu'il fait, c'est ça la sunna, et que le contraire est la bid'a. Ça, c'est lorsqu'il est ignorant et qu'il suit aveuglément, sans connaissance et sans comprendre. Tandis que s'il a compréhension et qu'il fait une bid'a avec connaissance, hein, et qu'il persiste dans la bid'a après avoir connu la vérité, dans ce cas-là, il est un opposant à Allah et un opposant à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et on a donné des exemples de ça dans le cours d'hier pour montrer à quel point la personne qui est sur la bid'a, elle manque de respect envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et elle s'imagine que ce qu'elle fait, c'est ça le bien. Et que de ne pas faire la bid'a pour cette personne, cet innovateur, elle croit que de ne pas faire cette bid'a, c'est d'abandonner la sunna, ou de ne pas respecter la sunna, ou de ne pas respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'innovateur, il a inversé la religion à l'envers. Le cheikh, il dit, فالمتنقصون والمنقصون عند الله تعالى ورسوله وأوليائه هم أهل الشرك والبدعة ولا سيما من بنى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين ولا تغني من اليقين والعلم شيئا فيا لله للمسلمين أي شيء فات من هذا التنقص. Donc le cheikh il dit que donc ceux qui manquent de respect et qui rabaissent Allah subhanahu wa ta'ala et son messager et ses alliés, ce sont les gens du shirk, premièrement, et ce sont les gens de la bid'a. Donc ce sont ces gens-là qui manquent de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers son messager et envers ses alliés. Et en particulier, ceux qui ont établi leur religion sur l'idée que la parole d'Allah et la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam sont uniquement des mots qui ne ramènent pas ou qui n'amènent pas à la conviction et à la certitude, et qu'elle ne peut pas offrir ou donner la science et représenter une forme de science et de conviction et de certitude dans la religion, comme le font par exemple les gens de Kalam qui disent que ou qui nient que le Coran soit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc pour eux, le Coran c'est pas la parole d'Allah, et ils s'imaginent que ça ne ramène pas la certitude et la conviction. Et donc pour eux, c'est quoi la référence pour savoir qu'est-ce qui est vrai et faux dans la religion et dans autre chose? La seule référence pour eux, c'est ce qu'ils appellent l'aql, la raison. Donc ils laissent de côté le Coran et la sunna, et ils pensent qu'ils vont se baser uniquement sur la raison seulement, et ils laissent de côté les références et les textes. Hein, parmi les gens de Kalam, hein, les gens de Bid'a. Et donc ils parlent d'Allah, et ils parlent de ses attributs, et ils parlent du Rayb, en se basant uniquement sur leur tête, et en se basant uniquement sur leur aql. Et ça, on retrouve ça dans les groupes et dans les sectes, comme par exemple chez les Mu'tazila, les Jahmiya, les Asha'ira, et les Maturidiyya, hein, des gens qui pensent qu'on ne peut pas se baser sur les hadiths, ceux qu'ils appellent par exemple les hadiths ahad, hein, les hadiths qui sont rapportés par peu de narrateurs, comme un ou deux, hein, ou quelques-uns. Et ils donnent comme condition pour qu'on accepte un hadith que ce soit un hadith qui est mutawatir, par exemple, qui soit rapporté par un très très grand nombre de rapporteur. Toutefois, bien entendu, alhamdoulilah, les ulamas de l'islam ont réfuté cette innovation de distinguer entre qu'est-ce qui est mutawatir et ahad, et ils ont dit que l'important dans les hadiths, c'est qu'ils soient authentiques, qu'ils soient sahih. Et le fait qu'ils soient mutawatir ou ahad, eh bien, ça ne représente pas un problème dans le fait que, on doit le prendre et l'accepter. Au contraire. Hein? Et donc les gens de Ahlul Sunnah wal Jama'a ou Ahlul Hadith, ils acceptent les hadiths authentiques rapportés par du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Peu importe qu'ils soient mutawatir ou qu'ils soient ahad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même à son époque, hein, il a envoyé des messagers à différents peuples pour leur transmettre l'islam, et parfois ils étaient seuls, hein? Comme par exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen, il a envoyé un seul, il a envoyé quelqu'un qui est ahad, pour enseigner à une nation tout entière les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a personne par la suite qui est venu dire, on ne va pas prendre qu'est-ce que Mu'ad nous enseigne parce qu'il est seul. Non, au contraire, hein, ils acceptaient la vérité de la personne qui est honnête et qui est fiable, hein, et ils prenaient de ça la science et la connaissance de la aqida et la connaissance de la religion. Et il y a plein d'exemples de ça dans le Coran et dans la Sunna. Et donc ceux qui ont ramené des shubuhat de ce genre pour essayer de mettre des doutes sur la Sunna ou de mettre de côté la Sunna et de se baser uniquement sur qu'est-ce qu'ils prétendent comme logique, hein, et comme principe, ou de se baser sur la logique grecque ou la dialectique aristotélicienne ou bien d'autres trucs qu'ils ont inventés et qu'ils ont pris des koufars, eh bien ça c'est pas notre référence et ce sont des choubouhats que ces gens-là ont ramenés pour mettre de côté la sunna et pour interpréter la religion selon leur passion. Et il y en a d'autres parmi eux-mêmes qui sont allés jusqu'à non seulement rejeter la sunna dans les questions d'aqidah en disant que elles sont pas, si c'est pas mutawatir on l'accepte pas, mais ils sont même allés jusqu'à mettre de côté même le Coran en utilisant toutes sortes de d'autres choubouhats de ce genre hein, pour essayer de faire croire que yani, le Coran il ne peut pas amener à la certitude puis utiliser toutes sortes de choubouhats de ce genre parmi les choubouhats des gens de Kalam. Et donc ça aussi c'est, ça représente un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc quel manque de respect peut être plus grand que celui-là? Et le cheikh il dit wa kadhalika man nafa sifat al-kamal 'an ar-rabb ta'ala عن الرب تعالى خشية ما يتوهمه من التشبيه والتجسيم فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله به نفسه من الكمال. Donc le cheikh il dit il y a également des gens qui ont essayé de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en prétendant qu'ils craignent de faire une ressemblance entre Allah et sa création. Et donc, s'il trouve dans le Coran ou dans la Sunna une attribut que Allah s'est affirmé à lui-même, ou que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils essaient de la nier. Et ils prétendent que de l'affirmer, ça implique une ressemblance entre la créature et le créateur. Hein? Toutefois, on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux que quiconque comment se décrire lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas de tashbih. Et il ne fait pas de tajsim comme ces gens-là le prétendent, hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Et il nous a informé, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran tajri bi ayunina, il mentionne qu'il a des yeux, hein, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, il nous informe qu'il a des mains, qu'il a deux mains. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner avec ce que j'ai devant ce que j'ai créé avec mes deux mains? Donc il nous informe de ces attributs-là. Il nous dit qu'il s'est élevé au-delà de son trône. Ar-Rahman ou ala l'arsh istawa, hein? Le tout miséricordieux, le très miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Hein? Thumma istawa ala l'arsh. Puis ensuite il s'est élevé au-dessus du trône. Donc nous on doit affirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé et on doit affirmer ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, hein? A'amintum man fis sama, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran qu'il est au-dessus des cieux. Et lorsque l'esclave est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque on a ramené une femme esclave devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et on lui a demandé, hein, Ayn Allah, où est Allah? Elle a pointé vers le ciel. Elle a dit, Fistama. Elle a dit, il est dans les cieux. Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, c'est-à-dire, il est au-dessus de sa création. Et donc, tous ces attributs-là, on doit les accepter, on doit y croire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne également, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, dans le hadith authentique, que, à chaque nuit, dans le dernier tiers de la nuit, il descend au plus bas des cieux, et il demande à ses créatures, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me demander pardon pour que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me demander quelque chose pour que je lui exauce sa demande? Hein? Et donc, ça c'est la preuve à ce sujet-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au dernier des cieux. Et nous, on doit affirmer tous ces attributs-là et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à son sujet et tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à son sujet, sans essayer de faire de ressemblance, sans essayer de faire de ressemblance entre le créateur et la créature, sans essayer d'imaginer dans notre esprit le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de comprendre avec notre esprit à quoi ça ressemble. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'on peut imaginer. Et également, yani, il faut, comme on l'a expliqué, affirmer tout ce que Allah a affirmé et nier tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié, et les termes qui ne sont pas utilisés par Allah et les termes qui ne sont pas employés à propos d'Allah par le messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on doit s'en écarter et on doit s'en abstenir, ne pas les utiliser et ne pas parler à propos d'Allah excepté en se basant sur une preuve de la révélation. Et l'imam Malik, hein, rahimahullah, quand un homme est venu le voir puis lui a demandé Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, kayfa istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône, comment s'est-il élevé au-dessus du trône, hein, il demande le comment, et l'imam Malik il se met, hein, en colère, hein, il commence à, hein, prendre sa tête comme ça et ensuite il se relève et il dit à cet homme cette parole qui est célèbre et qui a été rapportée par, hein, la majorité des salafs. Il a dit quoi? Il a dit al-istiwa ma'loum wal-kayf majhoul wal-iman bihi wajib was-su'al anhu bid'ah. Il a dit al-istiwa, le verbe istawa en arabe qui signifie ala wartafa'a, comme les salafs l'ont expliqué, qui signifie de s'élever et de monter au-dessus de quelque chose, eh bien ça, c'est quelque chose qui est ma'loum, c'est-à-dire, il n'est pas inconnu, ghair majhoul. Tous les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant et après, ils savent que ce verbe, istawa, ça signifie de s'élever. Il n'y a personne qui remet cette signification-là en question. Hein? Wal kayf, le comment Allah s'élève, majhoul, c'est quelque chose qu'on ignore. Ou bien ghair ma'qul, comme c'est rapporté dans certaines narrations, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec la raison, puisque ça nous dépasse. On ne peut pas comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, comment il est. On peut seulement savoir à propos d'Allah ce que Allah a mentionné à propos de lui-même, mais le comment, on ne peut pas le savoir, hein? Wal-imanu bihi wajib, et c'est obligatoire pour les croyants d'y croire puisque Allah nous l'a mentionné. On ne peut pas le nier. As-su'al anhu bid'ah. De demander le commun à propos des attributs d'Allah, c'est une innovation. C'est quelque chose qui fait partie des bid'ah dans la religion. Et c'est quelque chose que si tu ouvres la porte à ce genre de questions dans la religion, et en particulier au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu ouvres une porte vers l'égarement. Parce que tu commences à imaginer et à penser des choses à propos d'Allah, alors que tu es incapable de comprendre et d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que signifie le commun de ses attributs. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ces aspects-là, parce que ça, c'est les fondements du tawhid et les fondements de la aqida des salaf al-salih. Hein, et beaucoup de gens ont dévié, malheureusement, sur ces questions-là dans la aqida. Hein, et ça, c'est des choses qui mérite d'être clarifié et expliqué aux musulmans. Ensuite, le cheikh il dit que ça c'est de nier ces attributs-là ou de déformer la réalité de ces attributs-là comme le font les gens de bid'ah, ça c'est un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des gens de bid'ah comme les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiya et d'autres qui nient les attributs d'Allah, qui déforme le sens des attributs d'Allah. Donc quand il parle d'Allah et quand il récite le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a une main, ou quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, hein, wallazi nafsi biyadih, celui qui détient mon âme en sa main, je jure par celui qui détient mon âme en sa main, ou des choses de ce genre, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit ça, Il commence à essayer de déformer le sens des attributs d'Allah. Au lieu de dire la main, ils disent, ça ne veut pas dire une main, ça veut dire la force, ou ça veut dire la grâce, ou des choses de ce genre. Et ça ne fait pas partie de la croyance des salafs et des sahabas de déformer le sens des mots et de leur donner une signification qui est opposée à leur réelle signification dans la langue arabe. Hein? Ou bien quand on leur mentionne le verset Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, eux, ils prennent cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils déforment le sens de sa signification. Et au lieu de dire qu'est-ce que ça signifie réellement, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit et comme les salafs l'ont expliqué, hein, et comme c'est connu dans la langue arabe que ça veut dire de s'élever et de monter au-dessus, ils disent que istawa, ça signifie istawla, c'est-à-dire de prendre le pouvoir du trône ou bien de conquérir le trône. Et yani, bien entendu, ça c'est de déformer la réalité de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les salafs, hein, ils ont bien fait comprendre que yani, ceux qui se sont enfuis de l'affirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple ceux qui refusent de dire la réalité de qu'est-ce que signifie istawa, que ça veut dire que Allah est au-dessus de son trône, et qui essaie de s'enfuir vers une autre signification contraire à sa réelle signification en disant que Allah a conquis le trône, ils se sont enfuis d'un mal selon ce qu'ils imaginent dans leur esprit, hein, parce qu'ils ont essayé d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala dans leur esprit et d'imaginer comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône, et étant donné que dans leur esprit ils ont fait une ressemblance entre le créateur et la créature, ils se sont enfuis de ça en essayant de déformer le sens pour lui donner une autre signification qui, selon eux, leur semble plus correcte et plus acceptable pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils ont interprété ça en disant Allah a pris le contrôle ou le pouvoir et il a conquis le trône. Mais en réalité, comme les ulama l'ont expliqué, de dire ça et de déformer le sens de cet attribut de cette manière, ça implique une plus grande imperfection à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'ils s'imaginaient dans leur esprit, puisque de dire ça, ça impliquerait que quelqu'un d'autre avait le trône ou détenait le trône ou possédait le trône avant Allah subhanahu wa ta'ala, puis Allah est venu, l'a enlevé du trône et a pris le trône à sa place, ou est monté au-dessus du trône à sa place. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus grand que ce qu'ils s'imaginaient eux-mêmes à la base. Donc, on leur dit que l'obligation pour le croyant, pour le mu'min, c'est de croire en Allah tel qu'il s'est décrit lui-même et de ne pas essayer de changer la signification des sens et des mots. Et s'ils s'imaginent qu'il y a une imperfection dans ce que Allah a mentionné comme description de lui-même ou que dans les descriptions que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien qu'ils sachent que cette imperfection, elle est uniquement dans leur esprit et dans leur tête, et non ailleurs, et elle n'a rien à voir avec la réalité. Hein? Et donc le cheikh il dit ensuite wal maqsoud anna hatayn at-ta'ifatayn ahlu ash-shirk wa ahlu al-bid'ah hum ahlu at-tanaqqus fi al-haqiqah bal hum a'zamu an-nas tanaqqusan لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالإثم والبغي قرينان والشرك والبدعة قرينان انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il dit que le but et l'objectif donc de qui résume tout ce qu'on a expliqué, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que ces deux groupes, les gens du shirk et les gens de la bid'a, ce sont les gens qui en réalité représentent les gens qui manquent de respect et qui rabaissent Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Et yani, ce sont les gens qui manquent le plus de respect, et le shaitan les a trompés et les a mélangés dans leur religion au point de leur faire croire que leur manque de respect, c'est ça la perfection et c'est ça qui est correct. Et c'est pour cette raison-là que, en réalité, la bid'a, c'est la partenaire du shirk dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'innovation, c'est par rapport à ce que Allah mentionne dans le Coran, c'est la partenaire du shirk. La bid'a, c'est la partenaire du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, le verset 33, dit au Muhammad que Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement interdit les turpitudes, c'est-à-dire les péchés qui sont laids. Hein? ce qui en apparaît, c'est-à-dire les péchés qui sont laids et que les gens les pratiquent comme les turpitudes et les grands péchés, que ce soit apparent ou caché. De même que le péché et la transgression dans l'injustice ou d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala ce au sujet de quoi il n'a fait descendre aucune autorité, ou de dire à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et de dire à propos d'Allah ce dont vous n'avez pas de science. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala il énumère différentes catégories de péchés et de désobéissance. Par exemple, il mentionne les fawahish, les péchés, et la transgression. Et ensuite, il mentionne l'injustice, et ensuite, il mentionne le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est comme si, graduellement, il montre les péchés de plus en plus importants, plus en plus graves. Puis, en dernier, il dit, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, que vous disiez à propos d'Allah ce dont vous n'avez pas de connaissance, hein, ce que vous ne savez pas. Et donc, le fait de dire à propos d'Allah ce qu'on ne sait pas à propos de la religion et d'inventer des mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la religion, ça c'est quelque chose qui est mentionné après le shirk. Et les ulama ont dit que même c'est pire que le shirk parfois. Et donc la bid'a, bien entendu, ça fait partie de parler ou de dire à propos d'Allah ce dont on n'a pas de science et ce dont on n'a pas de connaissance. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dans ces versets-là associé entre le péché et la transgression, les deux ensemble, et il a associé également le shirk et la bid'a ensemble. Il les a collés ensemble, il les a mentionnés l'une après l'autre. Donc, c'est pour dire que ces deux choses-là, le shirk et la bid'a, c'est des choses qui sont reliées, et qui sont associées dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset dans la Shura, شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Ils ont associé, ils ont légiféré dans la religion, ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas permis. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Est-ce qu'ils ont des partenaires qui ont légiféré pour eux, des choses dans la religion que Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas permis? Donc ça c'est pour expliquer que celui qui fait des bid'ah, il légifère dans la religion d'Allah sans permission. Ensuite le cheikh, il continue donc les paroles du cheikh, la dernière citation du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, وَقَوْلُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ مَعَ هَذَا عَرَفْتَ أَمْرًا آخَرُ وَهُوَ أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ مَا عَرَفَ هَذَا مِنْهُمُ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ يُسَمُّونَهُمُ الْعُلَمَاءَ في سدير والوشم وغيرهم إذا قالوا نحن موحدون الله نعرف ما ينفع ولا يضر إلا الله وأن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون وعرفت أنهم لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الكفار توحيد الربوبية عرفت كبر نعمة الله عليك خصوصا إذا تحققت أن الذي يواجه الله ولا يعرف التوحيد أو عرفه ولم يعمل به أنه خالد في النار ولو كان من أعبد الناس كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Donc le cheikh il dit que il termine la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, et l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit, puis avec tout ce qu'on a expliqué maintenant, tu sais donc une autre chose, c'est que beaucoup d'entre les gens n'ont pas connu la réalité du tawhid. Beaucoup d'entre les gens qui disent, nous sommes ceux, parmi ceux qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont établi le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, nous savons que rien ne peut nuire ni profiter excepté Allah, et que les hommes pieux ne peuvent pas nuire et ne peuvent pas profiter. Ils pensent que le fait de croire en ça et de dire ça, c'est suffisant pour être musulman. Et ils croient que c'est suffisant pour être protégé ou être protégé du shirk ou bien pour rentrer dans le tawhid. Et on a expliqué précédemment que c'est pas suffisant. Tu peux pas seulement croire que le fait de dire que tu dis rien ne peut, personne ne peut nuire excepté Allah et personne ne peut profiter excepté Allah, et que par exemple les hommes pieux ne profitent pas ou ne peuvent pas nuire, hein, c'est seulement Allah qui peut profiter et qui peut nuire. Puis par la suite tu vas à leur tombe et tu leur demandes et tu les invoques en dehors d'Allah. Si tu fais ça et que tu prétends être sur le tawhid, tu as contredit le tawhid par tes actions. D'accord? Donc le cheikh il dit, ceux-là, yani, ils n'ont pas connu la réalité du tawhid. Même parmi eux, certains qui sont appelés par les gens des ulama. Parfois même, ce sont des gens qui sont considérés ou qui sont appelés par les gens ulama, alors qu'en réalité, ils ne savent pas la réalité du tawhid, ils ne sont pas réellement des ulama. Et le cheikh il dit, et tu sais donc que ce qu'ils ont connu ou appris du tawhid, c'est uniquement le tawhid des kuffars. C'est-à-dire c'est le tawhid des mushrikin, le tawhid qu'affirmait Quraysh, tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire de reconnaître qu'il y a un créateur et un pourvoyeur et un seul maître et un seul qui fait vivre et qui fait mourir. Ça c'est le tawhid des mushrikin, ça c'est le tawhid des kuffars, ça c'est le tawhid de Quraysh. C'est pas suffisant d'affirmer ça pour être considéré comme un musulman. Pour être considéré comme un musulman, il faut affirmer ce tawhid, tawhid al-rububiyya, et en plus, confirmer et accepter et reconnaître que seul Allah mérite d'être adoré et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu n'as pas appliqué le tawhid. Même si tu reconnais que Dieu existe, même si tu reconnais que c'est lui seul qui est le créateur des cieux et de la terre, même si tu reconnais que rien ne peut nuire ni profiter excepté Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne suffit pas. Et comme on a mentionné plein de versets à ce sujet-là déjà dans les cours précédents, donc cette question-là, elle est claire, elle a déjà été clarifiée dans la Risala. Donc le cheikh, il explique donc, une fois que tu as compris ça, maintenant tu as compris la grandeur de la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur toi de pouvoir comprendre le tawhid dans sa réalité de cette manière-là. Surtout lorsque tu as compris et que tu as réalisé que celui qui se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala mais qui n'a pas connu le tawhid, ou bien il a connu le tawhid mais il ne l'a pas appliqué parce qu'il a adoré d'autres avec Allah, qu'il sera éternellement en enfer, même si c'était la personne la plus grande parmi les adoratrices, même si c'était une personne qui faisait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de hajj, beaucoup de zakat, beaucoup de jeûnes, ainsi de suite. D'accord? Donc ça c'est très important à comprendre. Yani, que la personne qui n'a pas compris le tawhid, ou bien elle l'a pas connu, ou bien elle n'a pas appliqué le tawhid, elle sera éternellement en enfer, même si c'était la personne qui était la plus pieuse, qui faisait le plus de bonnes œuvres, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 72 dans Surat Al-Ma'ida, وَأَنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, celui qui fait le shirk avec Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit le paradis, et sa destination ou bien son refuge sera l'enfer, et pour les injustes il n'y aura pas de protecteur ou d'aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux, et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles et sur ses compagnons, sur sa famille et yani. Donc ça c'est la fin de cette risala du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et ça nous rappelle donc l'importance du tawhid dans l'adoration. Et justement à ce sujet là on voit que yani, le tawhid actuellement dans la Ummah, dans beaucoup de pays musulmans et même dans les pays non musulmans, c'est devenu un sujet qu'on n'entend jamais presque. On en parle très rarement, ou bien on n'en parle pas suffisamment, ou on n'en parle pas assez souvent, ou on n'en parle pas assez en détail, ou de façon assez approfondie. Et donc, ça reste quelque chose de vague dans l'esprit de beaucoup d'entre les musulmans. Ça reste quelques notions comme ça que... Et en qui ne sont pas clairs parfois dans les esprits. Beaucoup de musulmans ne connaissent du tawhid que le nom. Beaucoup de musulmans ne connaissent de la réalité du shirk que le mot lui-même. Et donc ça c'est un grand manque, une grande défaillance et un grand problème actuellement. Et je dirais même que, comme les ulama l'ont expliqué et comme les ulama l'ont dit, que c'est la cause de tous les autres problèmes qui existent dans la Ummah actuellement. Tous les problèmes que la Ummah doit affronter et tous les problèmes auxquels les musulmans aujourd'hui doivent faire face, l'origine et la source de tous ces problèmes, que ce soit politique, économique, social ou autre, partent du fait que les musulmans aujourd'hui ont mal compris le tawhid ou n'ont pas compris le tawhid du tout, ou bien qu'ils négligent la compréhension et la connaissance du tawhid. Et donc, comme le cheikh l'a expliqué durant cette risale, c'est pas correct pour les musulmans de s'attarder et de mettre la priorité sur l'économie ou sur la politique ou sur d'autres sujets s'ils négligent la base et le fondement de l'islam qui est le tawhid. Hein? Et ça, c'est très important de se le rappeler et de le comprendre. Et donc, c'est pour cette raison-là que, alhamdoulilah, il faut mettre plus d'importance, plus insister sur la science et l'apprentissage du tawhid, pour que tous les musulmans puissent le comprendre et le connaître correctement, pour qu'ils sachent comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et comment faire en sorte que leurs adorations sera valable et acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas que le tawhid soit un sujet qui devient comme si c'était quelque chose de rare ou quelque chose de, on en parle une fois par année ou deux fois par année et puis ça se termine là. C'est un sujet qui doit constamment revenir et qui doit être étudié à l'année longue, qui doit être enseigné et compris partout, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, pour justement faire en sorte que notre aqidah, que notre religion, que notre islam soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'au jour de la résurrection, on soit parmi les sauvés et on ne soit pas parmi les perdants. Hein? Et donc, pour terminer donc avec l'explication du cheikh Bazmoul avec cette dernière citation, le cheikh dit, يقول المصنف يرحمه الله إذا عرفت التوحيد والشرك وما قدمته لك فاعلم أن أكثر الناس لا يعرفونه حتى بعض من يسمى بالعلماء إذ قالوا نحن موحدون لله أو نحن موحدون الله نعرف أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله وأن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون ومع ذلك تصدر منهم أقوال وأفعال تنافي توحيد العبادة وإخلاص العبادة له سبحانه عرفت أنهم لا يعرفون إلا توحيد الكفار يعني توحيد الربوبية إذا عرفت ذلك عرفت كبر نعمة الله عليك يعني عرفت أن نعمة عليك عظيمة نعمة الله عليك عظيمة وأن الله عرفك هذا التوحيد وعلمك إياه وألهمك رشدك فيه ومقابل هذه النعمة ثلاثة أشياء الأول الاعتراف ومقابل هذه النعمة ثلاثة أشياء الأول الاعتراف للمنعم بنعمته عليك الثاني شكر هذه النعمة ومن شكرها شكر من كان سببا في وصولها إليك والثالث صرف هذه النعمة فيما يرضي المنعم عليك فيها ولذلك شكر النعمة أن تستعملها في طاعة الله شكر النعمة أن لا تسرفها في معصية الله. Donc le cheikh il dit, maintenant tu as compris le tawhid, donc c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Le cheikh il a paraphrasé les paroles du cheikh. Et puis ensuite il dit, une fois que tu as compris cette grâce que Allah a mise sur toi, eh bien tu dois agir vis-à-vis de cette grâce en faisant trois choses. Premièrement, reconnaître celui qui t'a fait preuve, qui t'a fait part de cette grâce. Reconnaître et être reconnaissant envers celui qui t'a fait part de cette grâce. Deuxièmement, être reconnaissant pour cette grâce, et parmi ce qui fait partie d'être reconnaissant, c'est de remercier ou d'être reconnaissant envers la personne qui a été une cause dans le fait que cette grâce-là t'est venue. Et troisième chose, c'est d'utiliser cette grâce dans ce qui amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là qu'on dit que parmi qu'est-ce qui fait partie d'être reconnaissant envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on utilise cette grâce dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu al-musannif rahimahullah خصوصا إذا تحققت أن الذي يواجه الله ولا يعرف التوحيد أو عرفه ولم يعمل به أنه خالد في النار فيه إشارة إلى الضوابط التي تفرق بها بين الشرك الأكبر والأصغر وذلك بتمييز الشرك الأكبر فذكر أن صاحبه خالد مخلد في النار وأن هذا الشرك لا يغفره الله تعالى ولو كان من أعبد الناس وأن عمل صاحبه كله محبط ولو كان من أعبد الناس ولو سماه الناس عالما كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Donc le cheikh il dit, et également l'auteur il a dit, en particulier une fois que tu as réalisé donc l'importance et la signification réelle du tawhid, hein, que tu yani, as réalisé que celui qui se tourne vers autre que Allah, il n'a pas que celui qui se tourne vers Allah mais qui n'a pas connu le tawhid, ou qui a connu le tawhid mais qui ne l'a pas appliqué, il sera éternellement en enfer. Le cheikh veut faire allusion ici et il veut montrer les principes qui amènent à comprendre la distinction entre ce qui est un shirk majeur et un shirk mineur. Ça, c'est important de le comprendre et de le connaître, hein, et de faire la distinction pour connaître qu'est-ce qui est une forme de shirk majeur. Et également, par la suite, de comprendre qu'est-ce qui va faire en sorte que quelqu'un sera éternellement en enfer. Puisque c'est le shirk majeur qui fait qu'une personne reste éternellement en enfer. Et que ce mushrik, la personne qui a fait le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas le pardonner lorsqu'il fait une forme de shirk majeur. Et qu'il sera éternellement en enfer, même si cette personne-là c'était un adorateur qui adorait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, qui faisait beaucoup de salat, beaucoup de hajj, beaucoup de jeûne, de siyam, beaucoup de zakat, ainsi de suite. Puisque celui qui n'a pas de tawhid, Allah n'accepte pas sa salat, Allah n'accepte pas son jeûne, Allah ne va pas accepter son hajj, hein, et ainsi de suite. Donc c'est ça. وَأَنَّ عَمَلَ صَاحِبِهِ كُلَّهُ مُحْبَطٌ. La personne qui fait beaucoup d'actions et de bonnes œuvres et qui a commis le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala va rendre toutes ses œuvres vaines. Elles n'auront aucune valeur au jour de la résurrection, hein? Et ça c'est mentionné dans plusieurs versets, comme le verset qu'on a lu hier dans le cours également, et le cheikh il l'a rementionné encore une fois. Et ça c'est que même si la personne qui fait beaucoup de bonnes œuvres et qui commet le shirk est appelée par les gens un savant, ou considérée par les gens comme étant un alim, si cette personne-là appelle au shirk ou commet le shirk, eh bien ses œuvres seront vaines, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit, et on a révélé à toi ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que si tu commets le shirk, eh bien toutes tes œuvres seront annulées, seront vaines, et tu seras du nombre des perdants. وبقيت القضية الأخيرة وهي التي ذكرناها في ضابط الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر مخرج من الملة وهذا معلوم من خلال جميع الكلام قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وهذا تمام هذا الشرح المبارك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc le cheikh il termine donc cette risala et il dit que le reste de ce que le cheikh a mentionné, c'est une règle qui a été clarifiée lorsqu'on a clarifié la distinction entre le shirk majeur et le shirk mineur, et c'est que le shirk majeur, il fait qu'une personne quitte la religion de l'islam. Donc si par exemple quelqu'un est musulmane, une personne est musulmane mais qu'elle commet une forme quelconque de shirk, eh bien cette personne-là quitte l'islam en commettant le shirk. Elle devient un kafir ou un mushrik. Et donc, ça c'est expliqué dans le verset 72, dans Surat Al-Ma'ida, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le paradis et sa destination sera l'enfer. Et le shirk, donc, il termine cette risala en faisant yani le dua pour envoyer la paix et le salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons. Et il dit donc, ça c'est la conclusion de ce charh béni, alhamdulillah. Et donc il termine avec le dua de Khatm al-Majlis, Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc j'aimerais, pour conclure, alhamdulillah, vous dire que, alhamdulillah, ça m'a fait plaisir d'être avec vous pendant ces quelques jours pour pouvoir justement yani partager avec vous les paroles de nos ulama et les mentions des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'explication des preuves et des principes et des fondements de notre aqidah et de notre religion, et que il faut pas se limiter juste à s'asseoir ou à écouter, par exemple, durant un dars, des questions qui ont rapport avec le tawhid, mais il est recommandé et les ulama nous enseignent que ce sont des sujets qu'il faut étudier de façon approfondie, et il faut assister aux cours lorsque il y a des shuyukh ou des imams ou des tulab al-ilm qui donnent des cours sur le tawhid. Et il faut faire attention, yani, de venir avec une feuille, avec du papier, avec des cahiers pour prendre des notes. Et si vous n'êtes pas capable, par exemple, d'assister à la mosquée, à l'époque actuelle, il y a beaucoup d'autres moyens qui ont été facilités pour nous pour étudier l'islam et pour étudier la science. Si vous pouvez, par exemple, partir étudier l'islam, talabul ilm, vous allez partir dans les pays musulmans, vous asseoir devant les ulama de l'islam et étudier avec eux la aqida, le tawhid, le fiqh, le tafsir, le hadith et toutes les autres sciences de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous encourageait justement à partir et à étudier la science. Et il a dit, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui prend un chemin et qui cherche un chemin dans lequel il va acquérir de la science, bien entendu c'est la science de la sharia, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter par cette science un chemin vers le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter un chemin vers le paradis. Et donc ça c'est le plus important pour un musulman, c'est d'obtenir cette science. Talabul ilm farida ala kulli muslim wa muslima. Bien entendu, le hadith qui est authentique, c'est talabul ilm farida ala kulli muslim. La quête de la science, c'est une obligation pour tout musulman. Et donc, c'est pas quelque chose que les gens aujourd'hui, ils s'imaginent que la science c'est uniquement quelque chose qui se limite juste aux ulama, et que si tu es un musulman ordinaire, tu dois rester comme ça sans chercher la science. Chaque musulman doit chercher la science, au moins du minimum de ce qui est obligatoire pour lui dans la religion. Et apprendre le tawhid et les règles de base de l'islam, c'est fard ayn. C'est quelque chose qui est une obligation à chaque individu musulman. C'est pas quelque chose qui se limite aux ulama de l'islam seulement ou aux tulab al-ilm. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait par chaque musulman individu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste pour vous montrer, lorsqu'il, par exemple, incitait les gens à la science, et lorsqu'il envoyait des gens pour enseigner la science, parfois, il envoyait parfois juste une seule personne. Il envoyait un seul sahabi pour enseigner à un peuple tout entier, comme Mu'adh ibn Jabal, qui était un alim. Donc ça nous montre l'importance de la science pour faire la da'wah, pour faire l'enseignement et pour toute autre chose. Donc, l'importance de retourner aux ulama et d'aller enseigner, étudier avec eux. Si on ne peut pas y aller, il y a aujourd'hui les cours des savants de l'islam qui sont enregistrés et qui sont disponibles sur leur site. La plupart des ulama aujourd'hui, ils ont un site officiel désigné pour eux, où ils mettent tous leurs cours qui sont enregistrés et également leurs livres qui sont disponibles. On peut les télécharger et les écouter et suivre leurs cours, prendre un cahier avec des feuilles, des notes et essayer d'étudier notre religion avec sérieux, avec concentration, avec approfondissement. Pas juste comme ça, juste hein, on écoute puis après c'est fini. Parce que ça s'en va, on l'oublie. Mais si on l'étudie sérieusement et on essaie de le mémoriser et de le comprendre comme il faut et de se le rappeler les uns les autres régulièrement, c'est des choses qui vont rester. Et c'est des choses qu'on pourra appliquer. Et il ne faut pas s'imaginer que la science, c'est quelque chose de secondaire ou que ce n'est pas important. Parce qu'il y en a des musulmans aujourd'hui parfois qui disent « l'important, ce n'est pas la science ». L'important, c'est l'action. Hein? Et ils disent, donc, c'est pas important d'étudier l'islam avec les ulama et de se concentrer sur l'étude de la religion. L'important, c'est l'action. Il faut qu'ils sachent, ces gens-là, que la science, c'est une action. Et que de chercher la science, c'est une action. Et que la quête du ilm dans l'islam, c'est une des plus grandes formes de ibadah. C'est une des plus grandes formes d'adoration. Et que de faire preuve d'endurance et de patience sur le chemin de la science, lorsque tu vas étudier avec les ulama, ça fait partie et ça a été mis en lien dans le Coran avec le djihad fi sabilillah. Donc celui qui part étudier la science dans le chemin d'Allah, il va étudier avec les hommes de science et les ulama et il s'assoit avec eux, que ce soit dans les universités islamiques ou avec les hommes de science dans les mosquées dans les pays musulmans, il est considéré fi sabilillah jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et en même temps, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là que les anges battent leurs ailes pour les gens qui recherchent la science, et même les poissons dans l'eau demandent pardon pour le talib ilm, pour la personne qui recherche la science. Hein? Et donc, il n'y a pas de doute que la quête de la science est très importante et que même si on habite ici en France et même si on est dans une ville qui est petite, c'est quand même notre responsabilité de faire des efforts pour chercher la science et pour étudier notre religion et pour essayer de la comprendre un peu mieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son messager dans le Coran, وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا. Hein? Il a dit ô Mohammed, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Hein? Et donc ça, c'est pour ça, on voit que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre cet exemple-là de demander à Allah de nous augmenter en science. Puis par la suite, bien entendu, d'appliquer, de mettre en application cette science qu'on a appris. Donc on espère et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, de nous donner la sincérité à l'ikhlas, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter nos œuvres, pour qu'elles soient sincèrement pour lui. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le tawfiq d'obtenir et d'acquérir cette science qui est bénéfique du Coran et de la Sunna, de nous faire comprendre la réalité de ce que signifie d'être sur le tawhid et de suivre la Sunna et d'être sur la voie des salaf al-salih, et de s'écarter du shirk sous toutes ses formes et manifestations, et de nous écarter de toutes les formes de bid'ah dans les croyances, dans les paroles et dans les actions. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.